Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission dédiée au Giro dont le parcours a été dévoilé jeudi dernier. On va essayer de vous débriefer tout ça, un peu comme on l'a fait pour le Tour de France. Alors ce soir avec moi, pour justement parler de ce Tour d'Italie, j'ai Benjamin. Bonsoir tout le monde. Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et Greg. Alors messieurs, on va commencer... Salut tout le monde. Salut Greg. Alors messieurs, on va commencer par faire comme on l'avait fait pour le Tour de France. Je vais vous demander de faire un petit tour de table pour nous dire ce que vous pensez en général du parcours de ce Tour d'Italie. On va commencer par Mathieu, si tu le veux bien. Oui, alors un Tour d'Italie qui, à l'inverse du Tour de France, a fait 3 chronos. Des étapes plutôt longues en moyenne, puisque la moyenne des étapes en ligne, elle approche les 200 km, alors que sur le Tour de France, on était plutôt aux alentours de 170. Donc, a priori, un tracé vraiment différent donc, du Tour de France, et un tracé qui me paraît, moi, un petit peu déséquilibré. On a une première semaine assez dense, avec en plus un transfert qui va peut-être prendre un peu d'énergie aux coureurs. Et une deuxième semaine plutôt plate et une troisième semaine, là par contre, avec beaucoup de montagnes et des très hauts sommets. C'est ton avis aussi, Greg ? Oui, c'est vrai, on va retrouver des choses finalement, qu'on ne voit plus sur les autres grands tours. Il y a 3 contre la montre, hein, comme l'a dit, c'est quand même assez rare. Et je pense, voilà, on parlera aussi peut-être du transfert important entre la Hongrie et la Sicile. Et c'est vrai qu'après, on regarde tous aussi avec de grands yeux le final de ce Giro. Avec que ce soit l'étape finale de Sestriere ou celle qu'on attend aussi avec le Stelvio, en sachant qu'il y a toujours l'inconnu de la météo. Mais c'est vrai qu'il est très particulier. Il y aura aussi des temps faibles dans ce Giro. On va y revenir quand on fera la présentation étape par étape. Alors pour finir, toi Ben, qu'est-ce que tu penses de ce tracé ? Je ne suis pas très fan finalement, parce que tout simplement ça me rappelle un peu les grands tours des années 90, avec certes de grosses étapes de montagne, mais avec beaucoup d'étapes où il ne va pas forcément se passer grand-chose. Je comprends tout à fait le nombre de contre-la-montre qui sont contrebalancés par des étapes de montagne qui peuvent faire très mal. Mais le problème avec le Giro, c'est que ces étapes de montagne, on ne sait pas ce qu'elles vont donner en réalité. Parce qu'il y a de très beaux cols qui font très envie, comme le col Daniel, mais est-ce qu'il sera seulement sur le... Sur les Giro, est-ce qu'il ne va pas neiger ou quoi que ce soit? Après, il y a pas mal d'étapes où j'ai peur que ce soit un peu pétard mouillé. Le point positif, par contre, c'est vrai que c'est totalement différent du Tour de France avec de longues étapes. Donc ça, c'est cool. Et dernier point négatif, il y a beaucoup de transferts. Et toi, Charles, t'en penses quoi? Ouais, moi, j'aime pas mal, mais je vais essayer d'être cohérent avec ce que j'avais dit pour le Tour de France. J'avais un peu... était déçu qu'on n'ait pas assez de chrono et pas assez d'étapes de plat. Donc là, je ne peux pas trop me plaindre puisque c'est quand même un peu plus équilibré entre les grimpeurs et les rouleurs. Donc ouais, je suis assez content avec des points négatifs. Hein. Je ne reviens pas dessus puisque vous l'avez très bien évoqué. Mais globalement, ouais, satisfait du parcours en général avec cette limite. Toujours Ben, tu l'as dit, on va aller très haut. Et si jamais les grands cols sont annulés, on risque de faire un peu soupe à la grimace en fin de course. Enfin bref, on peut passer désormais au parcours. Alors pour commencer, Ben, je vais te redonner la main. Qu'est-ce que tu peux nous dire tout d'abord de ces 3 premières étapes en Hongrie ? Oh, pas grand-chose. Le contre-la-montre, il fait forcément penser dans Budapest à celui de l'an dernier avec une partie plate et une partie montante, même si je ne pense pas que la bosse d'arrivée soit aussi dure que celle de cette année. Et après, les deux autres étapes, dont je vous épargnerai la prononciation des villes hongroises, bon, ça va être du sprint, hein. Y a rien à espérer. Après, je ne connais pas les routes, est-ce qu'il peut y avoir du vent ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça va être deux étapes qui vont mettre à rude épreuve les commentateurs si le Giro est comme annoncé en intégralité. C'est possible. Alors Mathieu a fait des recherches sur la prononciation des villes hongroises. Je crois qu'il veut nous donner le tracé de la troisième étape. C'est ça, Mathieu? Entre Segesfehérvár et Nagy Skanitsa. Normalement, ça doit être à peu près parfait. Ça. Assez impressionnant, cette maîtrise. Je crois que Greg, toi, c'est le transfert dont tu voulais nous parler sur ces trois premières étapes. Voilà, rapidement, voilà, par le contre-la-montre, donc ce sera déjà des premières informations intéressantes. Vous prenez le principal danger, c'est un circuit urbain, c'est sont les chutes, mais les deux étapes, comme l'a dit Benjamin, finir au sprint. Oui, je voulais parler du transfert, parce que faire étape de 200 km, transfert et pas de jour de repos, directement l'étape Sicile-Montréal-Agrigente, je pense que les coureurs... alors, ça m'étonne que de ne pas avoir entendu des coureurs râler maintenant, parce que je pense que ça va râler pendant le Giro, et qu'ils vont beaucoup vont se plaindre, car connaissant l'organisation légendaire des courses italiennes, je ne sais pas du tout comment va se passer ce transfert, et forcément, il y en a qui vont être mécontents, qui vont être déçus, qui vont se sentir désavantagés. Ouais, puis en dehors des coureurs, moi je pense aussi à tous les suiveurs, même les assistants, etc., qui vont pas prendre l'avion, eux, et ceux qui vont faire de la bagnole, qui vont partir le soir pour tenter d'arriver en Sicile le lendemain matin, ça risque d'être un peu... Non, c'est pas possible. Ça va leur rappeler les voyages scolaires. Ouais, voilà, en cas... C'est vrai qu'on ne le dit jamais, mais au final, il n'y a que les coureurs qui prennent l'avion. Le reste, c'est par voie terrestre. Je pense qu'ils prennent l'avion. Tous ces gens-là, ça va être assez compliqué, surtout peut-être pour les petits médias ou ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des billets. Il y a 21 heures de route. Ouais, ça peut être dur. Hein. Non, là aussi, je ne pense pas. Hein. Comment ils vont faire? Ils ne peuvent pas. Hein. Ou alors, ils n'iront pas au début à Budapest. Peut-être que certains apprendront. Non, ils prennent tous l'avion, c'est tout. Bref. Bon, bref, passons. On va pas trop rester longtemps là-dessus. Alors ensuite, vous l'avez dit, on va en Sicile, Benjamin, avec trois étapes qui sont différentes les unes par rapport aux autres, je trouve. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces trois tracés un peu différents? Alors, la première étape sicilienne qui arrive à Agrigente, bon, c'est une étape qui va finir pour les punchers. Mais attention, hein, c'est pas la bosse qui a vu le couronnement de Luc Leblanc. Là, c'est 3,7 km à 5,4%. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnellement dur. Ça va faire quelques petits écarts. On va peut-être voir qui est bien, qui est pas bien, mais sans non plus trop d'enseignements. Ensuite, l'Etna, on sait comment ça va se passer. Ça va être une course par élimination de l'arrière et ça va se battre dans les trois derniers kilomètres. Parce qu'avant ça, ça sera le tempo d'une grosse équipe. Et quant à la dernière, ça sera pour Peter Sagan. D'ailleurs, ce qui frappe, Mathieu, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est que ces étapes sont très courtes. Les trois étapes, le kilométrage est compris entre 136 et 150 bornes. Oui, là, effectivement, pour la Sicile, on a des étapes courtes. Ça sera les seules étapes courtes, je crois, par quelques petites exceptions. Parce que par la suite, ce sera pratiquement tout le temps 200 km, aux alentours de 200 km, voire beaucoup plus. Donc effectivement, là, on va avoir des étapes courtes, nerveuses. La cinquième étape, elle peut quand même être intéressante, je pense, parce qu'il y a pas mal... c'est assez difficile avant aussi, c'est pas plat. Avant l'Etna, ça va bien fatiguer les organismes. Donc pourquoi pas avoir peut-être des surprises dans l'Etna, même si on sait qu'il y a deux ans, la montée de l'Etna avait été un petit peu décevante. C'est Chavez qui avait gagné, non? C'est ça, Chavez, ouais. Mais il y en avait une où c'était pas un Lamprey, mais c'était pas Duracek, je sais plus qui avait gagné une année, non? Pas Polanc? Ou Polanc, ouais, peut-être. Échappé. Il me semble, mais d'ailleurs, Greg, pour rebondir là-dessus sur l'Etna, je crois que le vent joue un vrai rôle aussi dans la montée, suivant comment il est positionné, non? Oui, il y aura la question du vent, si jamais il y a un vent de face, ça n'a pas encouragé les offensives, et surtout vu le programme de Giro, hein, vous connaissez la formule, le tour où le Giro est encore long. Et je ne sais pas si des coureurs vont prendre le risque d'attaquer dès ce jour-là ou d'être offensif dès ce jour-là, de lancer les grandes manœuvres à ce moment-là. Je suppose, Greg, qu'on n'a pas encore les indications sur la direction du vent. Ben, pas encore. C'est un peu tôt, peut-être. C'est un peu tôt. On va attendre quelques jours. On va attendre quelques mois. Alors ensuite, on retourne sur le continent où tu l'as très bien dit, Mathieu, aucune étape ne fera moins de 180 km, si je ne me trompe pas. Donc on enchaîne avec cette septième étape qui part de Mileto pour rejoindre Camigliatello Silano. Alors, une étape que je trouve pas mal sur le papier au final, qui est longue, qui risque d'être assez compliquée. Et on a l'impression que ça monte et ça descend tout le temps. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Mathieu. Oui, une étape très accidentée. Pareil, avec beaucoup de dénivelé. Je pense que le dénivelé positif sur la totalité de l'étape va être particulièrement impressionnant, je pense. Et une arrivée en bas d'une courte descente. Hein, le sommet est à 10 km de l'arrivée. Donc là, on peut avoir du spectacle, je pense. La dernière difficulté... est quand même assez dur. Il y a 25 km à 5,4%, mais c'est assez irrégulier. Donc, à voir ce que ça peut donner. Alors ensuite, Benjamin, on enchaîne avec deux étapes qui sont a priori dédiées aux sprinteurs. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Donc, en fait, tu vois, je vais même prendre des libertés et revenir sur l'étape de... Camigliatello Silano. J'ai du mal à la lire, en fait, comment ça pourrait se passer, messieurs, parce que la bosse finale est certes longue, mais elle n'est pas pentue, parce que c'est du 6%, hein. Il y a 1 km à 10%, mais hormis ça, c'est du 5-6%. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va avoir des grosses équipes, du coup, qu'on va avoir un train, ou est-ce que c'est l'occasion pour des coureurs, comme ça a été le cas cette année, des coureurs, on va dire, des honnêtes grimpeurs qui pourraient aller chercher le maillot rose? Bah oui, c'est une possibilité, parce que peut-être certains, vu comme tu l'as dit, le profil de cette étape, ça peut laisser des coureurs offensifs, peut-être des seconds couteaux, l'occasion de se montrer, de prendre peut-être un petit peu d'avance. Et limite, je dirais, c'est peut-être un profil plus adapté aux attaquants que l'Etna, qui est une montée brute. Là, c'est une arrivée en légère descente. Peut-être que certains vont attaquer à la fin de la montée pour prendre un peu d'avance dans la descente. Et merci. Et je reviens sur la 9e étape, puisque tu m'en parlais, Charles. Cette étape, je disais que ça allait être pour les sprinters. À voir si l'équipe de Peter Sagan n'imprime pas un certain rythme dans le Monte Sant'Angelo et la Coppa Santa Tecla. Enfin, pour éliminer les bosses qu'il y a, voilà, comme ils avaient fait sur l'étape d'Albi et au Tour de France 2013. Juste un point sur les deux étapes promises aux sprinters. Je trouve que c'est un peu triste pour un week-end. C'est juste une petite remarque. Voilà, pour un week-end, ce sera un peu tristouné. Un ancien président de la République aurait pu dire quelle indignité. D'ailleurs, ces étapes seront tellement dures qu'il faudra enchaîner avec une journée de repos ensuite pour se. Est-ce que c'est ça qu'on attend du Giro un week-end? Quelle indignité. Non, ouais. Certainement pas. Alors ensuite, donc je l'ai dit, journée de repos, puis une 10e étape. Alors moi, je l'aime bien sur le papier. Je ne sais pas si Greg, tu es d'accord avec ça, surtout le final. Enfin, je le trouve assez intéressant. Oui, parce qu'il est assez vallonné. On va dire les 30 derniers kilomètres, ça va monter, ça va descendre autour de Tortoreto Lido. Donc voilà, pourquoi pas. Alors des coureurs offensifs, là aussi tenter et mettre en danger, disons, les sprinteurs ou leurs équipes. Car ça sera, à mon avis, très difficile à contrôler, vu qu'il y a 3-4 courtes montées et 3-4 courtes descentes. Ça sera difficile à contrôler pour les équipes de sprinteurs. Et peut-être, c'est peut-être plutôt la Bora, encore une fois, qui va bien mener grand train pour éliminer justement les plus grosses cuisses. C'est possible. Alors, messieurs, Benjamin, je t'épargne la 11e étape parce que je t'ai refilé toutes celles qui étaient un petit peu nulles depuis le début. Ça arrivera à Rimini, ça va être... Un hommage. À Marco Pantani, d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a qui voudront lui rendre hommage. Jonathan Kahn, Serrasolo ou Santa Cristina, qui semblent être des montées de 500 mètres à 1 km, à 2 à 4%. Mais c'est bien possible. Alors pour enchaîner, Mathieu, avec la 12e étape, alors je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, j'ai un peu de mal à la lire. Je la trouve pas mal, mais je suis un peu déçu par la fin. Oui, là, est-ce que ce ne serait pas une étape typique pour les baroudeurs? Un groupe de 10-15 gars qui partent très loin en général et qui se disputent la victoire à ces anaticos. Je pense que ça, on risque d'être dans ce schéma-là parce que les sprinteurs auront du mal à passer. Et je ne vois pas une équipe s'embêter à essayer de contrôler toute la journée avec toutes les difficultés qu'il y a pour contrôler une échappée. Donc là, je vois bien une grosse échappée qui va au bout. Après, il faut bien penser que sur le Giro, là, on aura quand même un grand tour de sprinteurs, entre guillemets, puisqu'il y a quand même beaucoup d'étapes favorables aux sprinteurs. Comme le tour, il n'y en a pratiquement aucune qui seront favorables aux sprinteurs. Je pense qu'on va vraiment avoir un gros plateau de sprinteurs qui sera là. Mais bon, je pense que pour celle-ci, pour la 12e, ce sera trop dur pour les équipes de sprinteurs de contrôler. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Alors pour la 13e, Greg, c'est l'étape typique du Giro, hein. Plate sur toute la longueur et deux petites bosses à la fin qui permettent de créer une certaine indécision. Voilà, c'est là où on attendra. Est-ce que voilà, ça va attaquer? Est-ce que les sprinters passent? Bon, ben, ça mettra un petit peu de suspens, même si ce n'est pas très dur. C'est des côtes très courtes, hein, qui font 2,5 km, 3 km. Il y a des gros pourcentages, mais qui sont assez courts. Donc, les meilleurs, enfin, certains sprinters passeront. Hein, il n'y aura pas, à mon avis, de. Enfin, Le Giro va faire connaissance avec Peter Sagan. Hein. Oh oui, je pense que l'ultracé, c'est fortement possible. Ensuite, on enchaîne avec un gros chrono. Ben, tiens, je te laisse la main. Du coup, un chrono Alors, difficile c'est à un chrono. 33 Ouais. bornes. Alors, 33,7 bornes. Comme tu le dis, c'est devenu la distance d'un long chrono. C'est vrai. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Mais nous ne sommes plus autrefois. Et c'est un chrono qui est assez sympa. Assez sympa parce qu'il présente un profil qui est différent. C'est-à-dire qu'on commence par 6 km plats, puis une bosse, petite redescente, à nouveau une grosse partie plate. Enfin, une grosse partie plate, on s'entend, hein. On est sur 33,7 km, donc ça fait 10-15 bornes. Et on finit par une dernière partie vallonnée. Et d'ailleurs, je me demande s'il est arrivé pas dans une petite bosse, Charles. On dirait avec le Donc final. ça pourrait faire penser un peu au chrono de Pau sur Tour de France cette année. Au Alors, chrono est-ce des qu'à mondiaux, votre il avait avis? fait mal à la fin aussi, il allait les 500 derniers mètres. Hein. Voilà la question. Est-ce que si Romain Bardet y va, est-ce qu'il va changer 3 fois de vélo? C'est Ça, au très début, c'est bonne plat, il question. prend le plat, après ça monte, il prend le vélo de montagne, et après, est-ce qu'il rechange après? Moi, je pense que si Romain Bardet s'est aligné, et d'ailleurs pour n'importe quelle épreuve qu'il va faire cette saison, le changement de vélo devrait être pour toute l'équipe cet hiver. D'ailleurs, puisque l'on parle de Romain Bardet, je pense que la 14e, il aimera pas trop, mais la 15e, c'est une étape qui serait un peu plus dans ses cordes, non, Mathieu? Oui, la 15e étape, tu me parles de la 15e, oui, la La 15e 15e, étape, ouais. c'est une étape qui est tout à fait sympathique avec une arrivée à Piancavallo, donc en haut d'un col qui est, je reprends le profil, 15 km, ouais, à peu près. ouais, de 15 km, donc à 7,8%, donc qui est avec des bonnes difficultés vers le début, hein, il a 10%. Au pied, les 6 premiers kilomètres et 10% de moyenne sur les 6 premiers kilomètres. Et ensuite, c'est de plus en plus facile, entre guillemets, plus on se rapproche du sommet. Alors est-ce Donc, que... il Pardon, va vas-y, falloir faire Mathieu. la différence assez vite, je pense, pour les meilleurs grimpeurs s'ils veulent se débarrasser des moins bons grimpeurs, on va dire. Est-ce que Benjamin, pour rebondir sur ce que dit Mathieu, on a affaire là, au bout de 2 semaines de course, à la première vraie montée du Giro? Non, parce qu'il y a l'Etna. Il y a l'Etna, mais c'est la première. Par contre, si ta question était est-ce que ça va être Sa la vraie montée première. intéressante, pardon, j'aurais dû préciser. On va dire que ça va être la première grosse bataille des chefs. Enfin, comme le Tourmalet sur le Tour de France cette année, puisque cette année, il y avait quand même la planche des Belles-Filles. Il y avait des étapes très dures comme à Saint-Étienne, tout ça. Mais ça a été le Tourmalet qu'on attendait vraiment pour voir où c'est que tout le monde était. Et puis c'est là où on verra, peut-être qu'il y aura déjà les premiers équipiers fatigués. Car peut-être qu'on en reparlera, mais tout dépend aussi de la force des équipes respectives, hein, mais peut-être que là, la fatigue va commencer à se faire ressentir. Mais c'est ce qui m'inquiète pour ce Giro, c'est qu'avec les recrutements, enfin l'équipe Ineos et l'équipe en plus Lotto Jumbo, on risque d'avoir des équipes très fortes sur le Giro, plus qu'elles ne l'étaient ces dernières années. Et du coup, des étapes qui pouvaient être intéressantes risquent d'être beaucoup plus cadenassées. C'est possible. Et on parlait d'étapes difficiles, la 16e, hein, c'est pareil, il n'y a pas trop de plats, on ne monte pas très haut du tout. Ça sera le lendemain d'une journée de repos Lendemain d'ailleurs. de journée de repos, mais sur un circuit à faire plusieurs fois, hein, ça risque de faire très mal aussi vu la distance, non? Sauf si c'est des baroudeurs qui partent et que le peloton fait ça tranquillement, entre guillemets. Après, la, la côte est difficile hein, quand même. C'est 6-7 km. 7 km à... Attendez, je me trompe d'étape. Non, la, le montée, c'est 3 ouais, km c'est à plus de 10%. Ouais, voilà. Oui. Donc, à voir. Mais le lendemain de journée de repos, en plus, il y a une ascension très tôt. Ça pourrait être l'occasion de tenter quelque chose. Pour les et 228 km. On parlait d'étapes longues, là, c'est le bel ouais. exemple. Bah, est-ce que c'est pas des Gallois en général qui vont partir dans le col? C'est possible aussi, ouais. Oui, mais après, rien n'empêche de tester un petit peu, si le lendemain de journée de repos, dans la dernière ascension, de regarder un peu dans les deux du Monte d'Iragogna. Il y a trois ascensions, donc 3 km, enfin 2,5 km à plus de 10%. Rien n'empêche de regarder un petit peu si les rivaux sont pas un petit peu fatigués ou si sont tous bien. Hein, la journée oui. sans, ça peut arriver. C'est possible. Alors ensuite, on enchaîne. Le problème, c'est l'étape qui a le lendemain. Oui. Et d'ailleurs, Charles, parle-nous-en de cette étape qui arrive à Madonna di Campiglio. Bah, une vraie étape de montagne où on va avoir deux cols pour commencer, ensuite des longs faux plats jusqu'au pied du Stelvio. Hein. Le Stelvio, je n'ai pas besoin de préciser. Tout non, il y en a une avant. Oui, Charles. Ah oui, Charles. J'étais parti sur la 18e, mais en effet, la 17e est aussi une vraie étape de montagne avec quatre ascensions, dont celle finale vers Madonna di Campiglio. Là aussi, long, un petit peu plus de 200 bornes, donc ça devrait continuer à user les organismes en troisième semaine, je pense. Mais le problème, c'est l'étape du lendemain. Ouais, et je vais prendre un pronostic sur cette 17e étape. J'annonce que s'il fait beau temps, ça va être une étape où ça va râler énormément chez les suiveurs parce qu'il ne va pas se passer grand-chose. Parce que les cols ne sont pas si durs que ça. Le profil d'étape fait qu'on risque d'avoir une échappée et c'est tout. Et en effet, comme tu dis, Greg, il y a une étape le lendemain, donc je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. Alors justement, les gars, puisque j'étais un peu à l'ouest, parlez-nous du Stelvio pour le lendemain. Même l'étape est-ce qu'il général... y sera seulement bah, c'est oui, une grande question. Enfin, sincèrement, on peut se demander, parce qu'on l'a vu ces derniers temps, certaines montées du Giro ont été annulées. Là, on va monter à 2758 mètres. Ça sera le 28 mai, donc on peut se poser la question, Mathieu, non? Oui, ça risque d'être juste. Hein. C'est sûr que s'il y a encore 2 mètres de neige, on ne passera pas. C'est le gros problème. Après, j'ai vu par-ci par-là des gens qui imaginaient déjà des itinéraires bis pour essayer si jamais le Stelvio n'était pas possible. Bon, là, on risque d'être déçu, encore une fois, si jamais c'est annulé à cause du temps, effectivement. Oui, parce que l'itinéraire bis ou pas, Benjamin, s'il y a de la neige, de toute façon, on ne passera pas autre part aussi haut. Ouais, moins haut. Parler du ouais, Mortirolo, notamment, c'est à 1800 mètres, le Mortirolo, c'est beaucoup moins haut. C'est ça, 2758 mètres, c'est énorme. Et puis, si tu enlèves le Stelvio sur ce Giro, il ne reste plus que l'étape du samedi suivant. Mais sinon, en fait, je me rends compte en analysant un peu plus le parcours, parce que c'est vraiment un parcours pas terrible. C'est un peu vraiment... léger, parce que si on passe à la suite, bon, la 19e étape... Bah, juste un mot sur c'est l'étape du ciel. Pour moi, mon coup de cœur, c'est qu'il y a une ascension dès le début. C'est-à-dire qu'on part, il y a de suite une ascension. Et ça, je trouve que c'est des choses qu'on ne voit pas assez, car ça peut vraiment faire très mal pour un coureur qui n'est pas chaud. Pour les équipiers notamment, parce qu'on a dit il y a des équipes qui sont très fortes et faut aussi compter pour avoir une belle course sur les équipiers qui disparaissent assez tôt, pour avoir une belle bataille entre les leaders. Donc on a le grand avantage de cette étape, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez, je trouve, sur les grands tours, c'est une montée dès le kilomètre zéro. Et ça peut faire très très mal. Et également pour la composition d'échappée, on aura des grimpeurs plutôt que des rouleurs, voire des sprinteurs. Voilà. Et cette 20e étape, messieurs? 251 km plat, ça va être quand même compliqué à suivre à la télé, si c'est en intégralité comme c'est prévu, surtout vu entre deux étapes géantes. Alors d'un côté, je trouve que c'est bien parce que ça permet à un peu tout le monde de se reposer, enfin pour les leaders tout du moins, mais quand même 250 km tout plat, ça va être long, c'est un peu long. Ouais. Une grosse pensée, mais ça permettra au... Mais je pense que c'est également une volonté pour faire comme au Tour de France de 2018, avec une étape pour se reposer pour les coureurs, pour pouvoir attaquer sans se poser de questions sur l'étape de la veille et l'étape du lendemain. Et l'étape du lendemain, parce que le lendemain, Agnel, Izoard, Mont-Genèvre et puis la montée de Sestrières, Benjamin. Elle est magnifique cette étape, si encore une fois elle est complète. Mais franchement, ça c'est ce qu'on appelle une taponnée, hein, 200 km, 4 ascensions, des ascensions mythiques, des ascensions qui ont une histoire. Sestrières, tout le monde se rappelle de Capucci qui résistait à une Indurain, qui lui-même est victime d'une fringale. Le col d'Izoard, on n'a pas besoin d'en parler, surtout le col d'Agnel, qui est l'un des cols les plus durs d'Europe, qui monte très très haut, mais il ne se contente pas seulement de monter très haut, il est très long et il offre surtout de redoutables pourcentages. Qu'on dirait et là, pour de, bon, si, là pour de bon, si à la neige, il n'y a pas de plan B, hein. Enfin, il n'y a pas vraiment de plan B sympa là. Autant il n'y a pas le mortirolo dans le coin, donc faut vraiment croiser les doigts pour que ça passe. Parce que là, je pense que c'est vraiment triste tout né si, enfin, il n'y a pas vraiment de plan B possible pour celle-là. Un peu, ouais. Alors messieurs, d'ailleurs, enfin, je voulais vous poser la question si on va sur la dernière étape. Qu'est-ce que vous pensez vous, de cette mode entre guillemets ou cette idée de mettre un chrono le dernier jour? Ah ben nous en France on a arrêté depuis Laurent Fignon. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Je trouve ça bien et en même temps j'ai accepté le fait que le Tour de France, pour faire la comparaison avec le Giro, se termine par une sorte de critérium visitant les monuments de Paris qui fait plaisir aux coureurs, hein. Ils semblent contents de visiter tout ça. C'est une parade. On est arrivé au bout du tour. On se félicite et avoir un sprint royal, ou alors chaque 15 ans, chaque 20 ans, c'est un peu comme les comètes, un coureur qui résiste au peloton. Donc, je pense que nombre de suiveurs vont dire « Ah, c'est cool, enfin, un tour d'Italie, un Giro, un grand tour qui fait de la première à la dernière étape qui se dispute. » Et en même temps, quand on regarde le Giro de l'an dernier, bon, mais tout était plus ou moins joué avant le dernier chrono. Donc, ça va dépendre de la situation du classement général. Maintenant, 16,5 km tout plat, ça ne va pas non plus changer grandement les choses, je pense. Alors, messieurs, pour finir, maintenant qu'on a un aperçu un peu plus global sur le parcours de ce Tour d'Italie 2020, si vous pouviez, chacun à votre tour, me donner un seul nom, un coureur qui, pour vous, semble taillé pour ce tracé, vous prendriez qui? On va commencer par Mathieu, tiens, si tu le veux bien. Je cherche. Avec les 60 km de chrono, je dirais Roglic. Si, je ne sais pas s'il a dit qu'il venait sur le Giro déjà. Je n'ai pas trop fait attention à qui avait dit qu'il faisait quoi l'année prochaine. Mais, on n'a pas trop d'infos encore. On ne sait pas trop qui va aller où. Roglic, surtout s'il fait mauvais temps et que les grands cols sont virés, je dis Roglic. Et toi, Greg? Je sens plus, alors tout dépend qui évidemment sera là, moi je sens plus un coureur comme Geraint Thomas ou un Kreuzweg venir sur Giro. Et toi Benjamin? Et toi Charles, avant que je réponde? Ah, tu prends le risque de répondre en dernier, moi je vais dire Tom Dumoulin, ça me semble un tracé comme en 2017, taillé pour lui, ou 2018, que je ne me trompe pas dans mes années. On prend le 2017. Fait sur ce tracé qu'il n'y a pas d'annulation, on est d'accord, hein. Ouais. Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali, ouais, ça peut être pour son dernier grand tour. Pour moi, c'est sa dernière chance de gagner un grand tour. Après, il sera trop vieux. Maintenant, avoir la participation, encore une fois. Il y aura sans doute Carapaz, mais est-ce qu'il arrivera à confirmer? Je sais pas. Je vois bien. Si vraiment il n'y a pas d'annulation, le Stelvio, Agnel, tout ça, avec des étapes aussi dures sur la fin, je vois plus Nibali, ouais. Il y aura peut-être Bernal aussi, hein. j'ai entendu que Bernal viendrait peut-être avec Carapaz. Bon, ça m'étonnerait. Ouais, je serais surpris aussi. Il y a un petit jeu de dupes en ce moment chez Ineos, je pense. Un peu d'un top. C'est Froome qui a annoncé que Bernal y serait, non? Oui. Il a fait les programmes et puis il a annoncé qu'il y aurait. Mais j'ai vu un article qui disait que Bernal avait trouvé le parcours sympa. Oui, on le trouve aussi sympa, mais moi j'irai pas le faire, le Giro. Non plus. Eh bien, je vais faire une annonce. Si une équipe est prête à me payer le salaire d'un coureur jusqu'à mai inclus, je me prépare pour faire le Giro. C'est lancé. Par exemple, la Total Direct Energy que Vinny veut pas. Si, pour se foutre de lui, ils prennent Un coureur. Écoutez, je suis prêt. Total Direct Energy à vous rejoindre pour préparer le Giro. Se transformer en Guylain Lambert de... voilà. Du Giro. Il va vraiment falloir que je m'entraîne pour passer la première étape. C'est possible. Et bref, la première pause de la deuxième. Pour finir sur une note un petit peu plus sérieuse, je voulais quand même... C'est très sérieux, monsieur. C'est très sérieux, monsieur. Je voulais quand même toucher un mot, adresser un petit message sympa à notre ami Max, notre présentateur, le plus souvent dans l'année, qui a eu un petit pépin de santé. Et on lui fait bien entendu des gros bisous. Il a eu un petit pépin de santé, donc on pense fort à lui. Voilà, c'était comme ça que je voulais. On espère que Nibali gagnera. Et on espère que Nibali gagnera, voilà. Bref, on vous souhaite à tous une bonne soirée. C'en est fini de cette présentation du Giro et on vous dit à très bientôt pour nos petites émissions thématiques traditionnelles de fin de saison. Au revoir. Salut. Au revoir.